Premier livre des Chroniques, chapitre 29. Puis le roi David dit à toute l'assemblée, « Dieu a choisi un seul de mes fils, savoir Salomon, qui est encore jeune et délicat, et l'ouvrage est grand, car ce palais n'est point pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. Et moi, j'ai préparé de toutes mes forces pour la maison de mon Dieu, de l'or pour les choses qui doivent être d'or, de l'argent pour celles qui doivent être d'argent, de l'airain pour celles d'airain, du fer pour celles de fer, du bois pour celles de bois, des pierres d'onyx, et des pierres pour être enchâssées, des pierres d'escarboucle. Et des pierres de diverses couleurs, des pierres précieuses de toutes sortes, et du marbre en abondance. Et outre cela, parce que j'ai une grande affection pour la maison de mon Dieu, je donne pour la maison de mon Dieu, outre toutes les choses que j'ai préparées pour la maison du sanctuaire, l'or et l'argent que j'ai entre mes plus précieux joyaux, savoir, 3000 talents d'or, de l'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent affiné, pour revêtir les murailles de la maison. Afin qu'il y ait de l'or partout où il faut de l'or, et de l'argent partout où il faut de l'argent, et pour tout l'ouvrage qui se fera par main d'ouvrier. Or qui est celui d'entre vous, qui se disposera volontairement à offrir aujourd'hui libéralement à l'Éternel? Alors les chefs des pères, et les chefs des tribus d'Israël, et les gouverneurs de milliers et de centaines, et ceux qui avaient la charge des affaires du roi offrirent volontairement. Et ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents et 10000 drachmes d'or, 10000 talents d'argent, 18000 talents d'airain, et 100000 talents de fer. Ils mirent aussi les pierreries que chacun avait, au trésor de la maison de l'Éternel, entre les mains de Jéiel Gersonite. Et le peuple offrait avec joie volontairement, car ils offraient de tout leur cœur, leurs offrandes volontaires à l'Éternel, et David en eut une fort grande joie. Puis David bénit l'Éternel en la présence de toute l'assemblée, et dit, « Ô Éternel Dieu d'Israël notre Père, tu es béni de tout temps et à toujours. Ô Éternel, c'est à toi qu'appartient la magnificence, la puissance, la gloire, l'éternité, et la majesté, car tout ce qui est aux cieux et en la terre est à toi, ô Éternel, le royaume est à toi, et tu es le prince de toutes choses. Les richesses et les honneurs viennent de toi, et tu as la domination sur toutes choses, la force et la puissance est en ta main, et il est aussi en ta main d'agrandir et de fortifier toutes choses. Maintenant donc, ô notre Dieu, nous te célébrons, et nous louons ton nom glorieux. Mais qui suis-je, et qui est mon peuple, que nous ayons assez de pouvoir pour offrir ces choses volontairement, car toutes choses viennent de toi, et les ayant reçues de ta main, nous te les présentons. Et même nous sommes étrangers et forains chez toi, comme ont été tous nos pères, et nos jours sont comme l'ombre sur la terre, et il n'y a nulle espérance. Éternel notre Dieu, toute cette abondance, que nous avons préparée pour bâtir une maison à ton saint nom, et de ta main, et toutes ces choses sont à toi. Et je sais, ô mon Dieu, que c'est toi qui sondes les cœurs, et que tu prends plaisir à la droiture, c'est pourquoi j'ai volontairement offert d'un cœur droit toutes ces choses, et j'ai vu maintenant avec joie que ton peuple, qui s'est trouvé ici, t'a fait son offrande volontairement. Ô Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, et d'Israël nos pères, entretiens ceci à toujours, savoir l'inclination des pensées du cœur de ton peuple, et tourne leur cœur vers toi. Donne aussi un cœur droit à Salomon mon fils, afin qu'il garde tes commandements, tes témoignages, et tes statuts, et qu'il fasse tout ce qui est nécessaire, et qu'il bâtisse le palais que j'ai préparé. Après cela David dit à toute l'assemblée, bénissez maintenant l'Éternel votre Dieu. Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père, et s'inclinant, ils se prosternèrent devant l'Éternel, et devant le roi. Et le lendemain ils sacrifièrent des sacrifices à l'Éternel, et lui offrirent des holocaustes, savoir 1000 veaux, 1000 moutons, et 1000 agneaux, avec leurs aspersions, et des sacrifices en grand nombre pour tous ceux d'Israël. Et ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie, et ils établirent roi pour la seconde fois Salomon fils de David, éloignirent en l'honneur de l'Éternel pour être leur conducteur, et Tsadok pour sacrificateur. Salomon donc s'assit sur le trône de l'Éternel pour être roi en la place de David son père, et il prospéra, car tout Israël lui obéit. Et tous les principaux et les puissants, et même tous les fils du roi David, consentirent d'être les sujets du roi Salomon. Ainsi l'Éternel éleva souverainement Salomon, à la vue de tout Israël, et lui donna une majesté royale, tel qu'aucun roi avant lui n'en avait eu en Israël. David donc fils d'Isaïe régna sur tout Israël. Et les jours qu'il régna sur Israël furent 40 ans, il régna 7 ans à Hébron, et 33 ans à Jérusalem. Puis il mourut en bonne vieillesse, rassasié de jours, de richesses, et de gloire, et Salomon son fils régna en sa place. Or quant au fait du roi David, tant les premiers que les derniers, voilà, ils sont écrits au livre de Samuel le voyant, et au livre de Nathan le prophète, et au livre de Gad le voyant, avec tout son règne, et sa force, et les temps qui passèrent sur lui, et sur Israël, et sur tous les royaumes des pays.